بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue les frères, bienvenue chers frères et sœurs pour ce 22e cours dans l'explication de l'épître Usul al-Iman de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullahu ta'ala. On est arrivé donc au hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, l'auteur qui nous dit wa an Abdillah ibn Mas'ud radiallahu anhu qal حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a informé en disant donc le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui est le véridique الصادق المصدوق le véridique celui qui est cru. Il nous a informé en disant Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Certes, l'un d'entre vous, chacun d'entre vous, sa création est rassemblée dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère 40 jours nutfatan. Nutfatan, c'est-à-dire 40 jours comme un liquide. Nutfa, donc une goutte. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Et ensuite, il est une adhérence. Une adhérence durant cette même période, 40 jours. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Et ensuite, il est un bout de chair. Et ensuite, il est sous la forme d'un bout de chair durant une même période. C'est-à-dire 40 jours, toujours dans le ventre de sa mère. ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. Et ensuite, un ange est envoyé vers lui avec 4 inscriptions. فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. Et ensuite, cet ange va écrire ses œuvres. Donc les œuvres que cette personne va accomplir dans sa vie. Donc il écrit ses œuvres, sa fin, sa subsistance, et s'il fait partie des bienheureux ou des malheureux. Thumma yanfukhu fihi ar-ruh. Et ensuite, donc, thumma yanfukhu fihi ar-ruh, et ensuite l'âme lui sera insufflée. Fa walladhi la ilaha ghayruh. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Par celui dont nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui, l'un d'entre vous va accomplir avec les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et celui-ci, entre la personne et le paradis, qu'une coudée. Ça veut dire que cette personne, elle est proche de la mort, elle est proche de rentrer au paradis. Mais cette personne sera précédée par son écriture, par son destin, et elle va agir, elle va accomplir un acte des gens de l'enfer, et va rentrer en enfer. « Wa inna ahadakum » La yamalu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fiya'malu bi amali ahli al-jannah fiyadkhuluha muttafaqun alayh. L'un d'entre vous qui agit en accomplissant les actes des gens de l'enfer, ça c'est toute sa vie, il agit en accomplissant les actes des gens de l'enfer. Puis il est précédé par son destin. Il va donc accomplir une bonne action. Et par celle-ci, il rentre au paradis. Le hadith, il est muttafaqun alayhi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله مشهور وفيه فوائد كثيرة. Ce hadith qu'a cité l'auteur, rahimahullah, ce hadith, il est très connu. Et il y a beaucoup de leçons profitables dans ce hadith. Nous allons en citer quelques-unes seulement, inshallah ta'ala. Fait awalan, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, huwa as-sadiqul masduq. Premièrement, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sadiq al-Masduq, le véridique, celui qui doit être, celui que nous devons croire. Sallallahu alayhi wa sallam. فَلَا يَتَكَلَّمُ عَنْ هَوَى. Il ne parle pas selon la passion, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas selon la raison, tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. فَالْمُسْلِمُونَ يصدقونه في كل ما يقوله وإن كانوا لا يرون ذلك بأعينهم. Et donc les musulmans, ils vont le croire, ils vont croire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il dit, même si ceux-ci, ils ne le voient pas de leurs propres yeux. لأن الذي أوحى إليه ما يقول هو الله الذي لا تخفى عليه خافية fis-sama'i wal-ard. Car celui qui lui a fait révélation de ce qu'il dit, c'est Allah Azza wa Jal, celui dont rien ne peut lui être caché dans les cieux et sur la terre. Wa min fawa'idi hadha al-hadith ayatun min ayati an-nubuwah li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akhbara bima lam yakun an-nas qadirin 'ala ma'rifatihi fi zamani wal-yawm. مع التقدم الناس يشاهدون صدق كلامه صلى الله عليه وسلم. Et parmi les leçons de ce hadith, il y a un signe parmi les signes prophétiques, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une information dont les gens n'étaient pas capables de savoir à son époque. Et aujourd'hui, avec l'avancée technologique, les gens voient le caractère véridique de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith concernant la création de l'être humain dans le ventre de sa mère. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil atwar allati yamurru biha al-insan fi batni ummihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé des différentes étapes par lesquelles l'être humain va passer dans le ventre de sa mère. وهذا من حكمة الله عز وجل أن خلق الإنسان ضعيفا ثم بعد الضعف قوة ثم الضعف. Et cela fait partie de la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il ait créé l'être humain faible, puis après la faiblesse, la force, et après cela la faiblesse encore. ليتأمل الإنسان في حاله ويرجع إلى ربه ويخلص له العبادة. Afin que l'être humain médite sur sa situation, sa faiblesse, qu'il revienne vers son Seigneur et qu'il lui accorde un culte exclusif. أما في بطن أمه فالإنسان يكون أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة. En ce qui concerne l'être humain dans le ventre de sa mère, alors il commence tout d'abord par cette goutte, ce liquide, et ensuite une adhérence, et ensuite une chair. ثُمَّ بَعْدَ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أي أربعة أشهر تقريبا يرسل إليه ملك. Et ensuite, après 120 jours, donc 40 plus 40 plus 40, après 120 jours, c'est-à-dire 4 mois environ, il lui sera envoyé un ange. وهذا هو مراد المؤلف من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. Et donc après 120 jours, un ange sera envoyé, et justement c'est pour cette raison que l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre. C'est pour cette raison que l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre. فهذا الملك يؤمر بكذب أعماله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. Et cet ange, il lui est donc demandé d'écrire les œuvres que cette personne va accomplir, ainsi que sa fin, sa subsistance, et est-ce qu'il est malheureux ou heureux. Et il y a en cela le fait d'affirmer le destin, la prédestination. لكن الكتابة ليست هي الكتابة العامة التي كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ وإنما هذه الكتابة كتابة خاصة. Mais attention, ce que l'ange va écrire ici à ce moment-là, ce n'est pas l'écriture générale et globale qui a été faite 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre dans Al-Lawh Al-Mahfouz, les tablettes protégées. Mais cette écriture-là, à cet instant, c'est une écriture spécifique qui se base sur ce qu'il y a dans Al-Lawh Al-Mahfouz, dans les tablettes protégées. Wa irsalu ar-ruhi ila al-jasad li yahya li'anna ar-ruha bihi yahya al-badan. Et le fait d'envoyer l'âme vers le corps est pour donner la vie à ce corps. Car le corps vit par la cause justement de cette âme, de la même façon que la mort se fait par la sortie de cette âme. Wa min fawa'id hadha al-hadith kama ra'ayna annahu la budda min 'amal. لأن دخول الجنة بعمل وكذلك دخول النار. Et aussi parmi les leçons profitables de ce hadith, comme nous avons vu durant les cours précédents, qu'il est impératif d'œuvrer, car l'entrée au paradis, la cause du paradis, se fait par les œuvres, et aussi l'entrée dans le feu. فلا يجوز لأحد أن يستدل بالقدر على كونه يترك العمل خاصة أن الرزق أيضا من القدر الذي كتب فلماذا يترك الإنسان العمل لطلب الرزق أو لماذا لا يترك الإنسان العمل لطلب الرزق ويتركه لأمر الآخرة مستدلا بالقدر. Et donc, il n'est pas permis à l'être humain d'utiliser le destin comme preuve pour délaisser les œuvres, pour délaisser le fait d'œuvrer. Cela n'est pas permis. Particulièrement que le destin, la subsistance aussi fait partie du destin. La subsistance, elle aussi, elle fait partie du destin. Et c'est ce destin-là qui a été écrit lors de la création de cet individu dans le ventre de sa mère. Alors, pourquoi ? Est-ce que l'individu va continuer à œuvrer et ne va pas délaisser les œuvres concernant la recherche de sa subsistance, mais il va délaisser les œuvres concernant le sujet de l'au-delà en se basant sur le destin, alors que les deux font partie du destin. Wa min fawa'idi hadha al-hadith anna al-a'mal bil khawatim. Parmi les leçons profitables de ce hadith, c'est que ce qui est le plus important concernant les œuvres, c'est la fin. فالصالح لا يغتر بصالح أعماله لأنه لا يدري ما يختم له. Et donc celui qui est pieux ne se laisse pas tromper par ses bonnes actions, car il ne sait pas sur quoi il va finir. وكذلك المذنب لا يقنط من رحمة الله. Et de la même façon, le pécheur ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. لأن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة. Car Allah pardonne tous les péchés par le repentir. فعلى الإنسان أن يتوب من ذنوبه ويحرص على فعل الخيرات فَيُخْتَمَ لَهُ بِذَلِكَ. L'être humain doit se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala pour ses péchés et s'efforcer d'accomplir de bonnes actions afin qu'il puisse mourir sur cela. Il puisse mourir sur l'accomplissement des bonnes actions. C'est ce qui est le plus important, que tu meurs sur les bonnes actions. وَلِيُعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَظْلِمُ أَحَدًا. Et il faut savoir que Allah Ta'ala ne fait injustice à personne. الرَّجُلُ يَعْمَلُ عُمْرَهُ كُلَّهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ يُدْخِلُهُ النَّارِ. L'être humain va accomplir de bonnes actions toute sa vie dans l'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis, à la fin de sa vie, il accomplit une mauvaise action qui le fera rentrer en enfer. Qalatil ulama, dhalika lidasisatin fi qalbi. Les savants, ils ont dit cela, c'est parce qu'il y avait déjà un élément caché dans son cœur. Il y avait déjà un élément caché dans son cœur auparavant, pendant qu'il accomplissait de bonnes actions. Wa ilaykum hadithan muhimman fi hadha al-ma'na akhrajahu shaykhan an Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iltaqa huwa wal-mushrikun faqatatalu. Et je vais vous citer un hadith très important dans ce même sujet, un hadith qui a été cité par Shaykhan al-Bukhari et Muslim, selon Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes se sont rencontrés et qu'ils se sont combattus. فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam ila askarih ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. Lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم s'est retourné vers son armée et que les autres sont retournés vers leur armée, et qu'il y avait parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme qui ne laissait aucun parmi les ennemis, parmi les polythéistes, il ne laissait aucun d'entre eux qui dépassait du rang sans qu'il le suive et qu'il le frappe de son épée. Faqalu ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulan. Alors ils dirent, donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit: aucun d'entre nous n'a agi de façon suffisante comme l'a fait un tel. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ama innahu min ahli an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sauf qu'il fait partie des gens du feu. Cet homme qui combattait dans le sentier, qui combattait donc dans le sentier d'Allah, et il combattait et il terrassait les ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fait partie des gens du feu. Faqala rajulun min al-qawmi ana sahibuhu abadan. Alors un homme qui a assisté à la scène, il a dit: je ne le lâcherai pas. Abadan, je vais rester avec lui. Qala fa kharaja ma'ahu. Il dit: et donc cet homme, il est parti avec lui. Il est parti avec cet homme dont le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui qu'il faisait partie des gens du feu. Il est parti avec lui. À chaque fois que cet homme s'arrêtait, alors le compagnon, il s'arrêtait avec lui. Et lorsque cet homme accourait et allait vite, alors le compagnon, il allait vite aussi avec lui. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. Et donc il dit: cet homme a été touché par une lourde blessure, mais il a précipité sa situation à la mort. Il a donc mis le manche de son épée sur le sol et le côté tranchant de son épée au milieu de sa poitrine. Et il s'est appuyé sur son épée et il s'est donné la mort. Cet homme s'est donné la mort. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. Alors l'homme qui a assisté à cette scène, il est allé voir le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم en disant j'atteste que tu es le messager d'Allah. قال وما ذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit mais que s'est-il passé, qu'est-ce qu'il y a? Alors l'homme il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. L'homme dont tu as dit précédemment qu'il faisait partie des gens du feu, les gens ont été surpris, les gens ont été surpris de cela. فقلت أنا لكم به. Alors j'ai dit je vais m'occuper de lui pour vous. Et donc je vais le suivre, voir ce qui se passe. فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا. Je suis sorti pour le chercher, jusqu'à ce que cet homme fut blessé, fut touché par une forte blessure. فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتِ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. Alors cet homme, il a précipité le moment de sa mort. Il a donc mis le manche de son épée sur le sol et le côté tranchant au milieu de sa poitrine. Et il a mis son poids sur son épée et s'est donné la mort. Il s'est donné la mort. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna ar-rajula la ya'malu amala ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar » وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِي مَا يَبْدُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes l'homme accomplit les actions des gens du paradis dans ce qui est apparent pour les gens, alors que celui-ci fait partie des gens de l'enfer. Et certes l'homme accomplit les actes des gens de l'enfer dans ce qui est apparent pour les gens, alors que celui-ci fait partie des gens du paradis. فأنتم تلاحظون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى أمر يبدو للناس. Vous constatez que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre quelque chose qui est apparent pour les gens. Un homme qui accomplit les actes des gens du paradis dans ce qui est apparent pour les gens. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a dans son cœur, ce qui n'est pas apparent. Et donc cette personne peut accomplir les actes des gens du paradis, mais qu'il y a une maladie dans son cœur. Il y a une maladie dans son cœur. Et c'est cette maladie qui fera qu'il aura une mauvaise fin par la suite, qu'il va accomplir de mauvaises actions qui seront la cause de son entrée dans le feu. Et donc il est important, mes frères, que nous prenions conscience de cela. Al-a'malu bil-khawatim. Ce qui est important concernant les œuvres, c'est la fin. C'est la fin, comment tu finis. Sauf qu'aucun d'entre nous ne sait à quel moment il finit. Voilà pourquoi il est impératif de ne pas tomber dans le piège du diable qui incite l'individu à pécher et qui lui dit « Inch'Allah, tu vas te repentir. Inch'Allah, je vais me repentir. Je fais le péché et après je me repens. » Mais tu ne sais pas si tu auras la capacité par la suite de te repentir. Tu ne sais pas si tu vas te repentir. Tu ne sais pas si tu vas vivre après le péché. Et donc ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. Et il est important pour ceux qui ont péché de ne pas désespérer. Et de ne pas se dire, ça c'est bon, je suis dans le feu. Ne désespère pas. de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah pardonne tous les péchés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré clairement ici, que l'individu peut accomplir de mauvaises actions de façon apparente et qu'il fait partie des gens du paradis. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, de nous placer au haut degré du paradis. Il est certes capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.